Ce qu'il y a le plus fatal est qu'au lieu de savoir me taire quand je n'ai rien à dire, c'est alors que pour payer plus tôt ma dette, j'ai la fureur de vouloir parler. Je me hâte de balbutier promptement des paroles sans idée, trop heureux quand elles ne signifient rien du tout. En voulant vaincre ou cacher mon ineptie, je manque rarement de la montrer. Entre 1000 exemples que j'en pourrais citer, j'en prends un qui n'est pas de ma jeunesse, mais d'un temps où, ayant vécu plusieurs années dans le monde, j'en aurais pris l'aisance et le ton si la chose eût été possible. J'étais un soir avec deux grandes dames et un homme qu'on peut nommer. C'était M. le duc de Gontaut. Il n'y avait personne d'autre dans la chambre, et je m'efforçais de fournir quelques mots, Dieu sait quels, à une conversation entre quatre personnes, dont trois assurément n'avaient pas besoin de mon supplément. La maîtresse de la maison se fit apporter un opiate dont elle prenait tous les jours deux fois pour son estomac. L'autre dame, lui voyant faire la grimace, dit en riant « Est-ce de l'opiate de M. Tronchin ?»« Je ne crois pas, » répondit sur le même ton la première. « Je crois qu'elle ne vaut guère mieux, » ajouta galamment le spirituel Rousseau. Tout le monde resta interdit. Il n'échappa ni le moindre mot, ni le moindre sourire, et, à l'instant d'après, la conversation prit un autre tour. Vis-à-vis d'une autre, la balourdise eût pu n'être que plaisante, mais, adressée à une femme trop aimable pour n'avoir pas un peu fait parler d'elle, et qu'assurément je n'avais pas besoin d'offenser, elle était terrible. Et je crois que les deux témoins, hommes et femmes, eurent bien de la peine à s'abstenir d'éclater. Voilà de ces traits d'esprit qui m'échappent pour vous voir parler sans avoir rien à dire. J'oublierai difficilement celui-là, car, outre qu'il est par lui-même très mémorable, j'ai dans la tête qu'il a eu des suites qui ne me le rappellent que trop souvent.